Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Boulian, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. On va parler de golf avec notre ami Sébastien Marceau. C'est la chronique commanditée par BR Metal. Salut, Sébastien. Salut, Danny. Sébastien, c'était vraiment le tournoi bénéfice. J'imagine que ça a bien été parce que vous avez quand même eu une grosse pointure comme président d'honneur, l'ancien président de Résolu, ou président de Résolu, c'est-à-dire. Donc, j'imagine que ça a bien été. Oui, le directeur général de Résolu était très, très populaire. Il a emmené beaucoup de monde. On a eu des beaux commanditaires. Les commerçants ont été très, très gentils. Les membres ont été très, très gentils. On a eu du bénévole. On a ramassé quand même un beau 40 000 $. Donc, ça va nous permettre de probablement arriver peut-être kiff-kiff pour un petit peu d'argent à la fin de l'année. Ça, je peux pas te confirmer tout ça, mais en tout cas, ça va nous donner un beau coup de main. C'est qui, je veux dire, donc, comment c'est 40 000 $, c'était-tu vraiment l'objectif que vous aviez fixé? L'année passée, on avait été chercher un 33 000, donc on voulait aller chercher pas loin de ce qu'on avait été chercher. Donc, on est quand même dépassé. Puis, avec le comité, avec Dave Lamontagne, ils ont vu qu'on avait quand même ramassé un bon montant. Les gens étaient très, très contents. Puis, je pense que c'était une belle réussite encore cette année comme tournoi bénéfice. Ah, ben, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, 40 000 $, donc bravo à l'organisation. Parle-moi maintenant en fin de semaine, c'est déjà le championnat du club. Bien oui, déjà le championnat du club qui est arrivé. Cette année, on a une nouveauté. On fait une nouveauté avec Saint-Prime. On fait la première journée, on la fait à Saint-Prime. La deuxième journée, on la fait à Dolbeau. Okay. C'est mixé avec Saint-Prime. Moi, j'ai déjà 30 inscriptions. Saint-Prime, on avait parlé de ça aussi. Ça va se finaliser demain. Le nombre d'inscriptions qu'on va avoir. Demain, je vais faire les heures, puis on va faire les heures pour que les gens puissent savoir les heures pour samedi matin. C'est sûr, pour une première année, on va avoir un champion de Dolbeau, un champion de Saint-Prime et un champion de Dolbeau Saint-Prime dans toutes les catégories, même dans les catégories seniors 70 ans et plus. Ah, OK. Donc, c'est une bonne chose. Ça fait pas mal le tour cette semaine? Pour cette semaine, Danny, c'est ça. On va y aller pour ça. Puis la semaine prochaine, ça sera d'autres choses. C'est-à-dire qui a gagné et comment c'était le champion de club. Donc, voilà. Donc, c'était Sébastien Marceau qui nous parlait de la chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini.